Voici votre bulletin régional. Au Centre culturel de Whedon, on aura l'occasion de voir le célèbre André le Jeune le 26 avril à 14h. Les 27 avril et 4 mai, de 18 à 21h, une formation donnée par Jean-Marc Bosque est offerte au SADC du Haut-Saint-François, deuxième étage à Istinguis. En quelques heures, avec les outils votresite.ca, créez vous-même votre boutique en ligne. Tarif pour la formation, 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Inscription auprès de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François au 819-832-4950 ou par courriel à info@chambredecommercehsf.com. À partir du 28 avril, et ce, jusqu'au 10 octobre, les gros centres du Haut-Saint-François passent à l'horaire régulier, ce qui signifie qu'il sera ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à midi.